Quand on parle des racines du rock, il y a des villes qu'on cite presque immédiatement. Et parmi elles, il y a Memphis dans l'état du Tennessee. Pas seulement comme un point sur une carte, non. Comme un endroit où le son a changé de forme. Un endroit où le blues, le gospel, la country ou encore l'énergie nouvelle du rock'n'roll ont fini par se croiser. Memphis, c'est l'une des grandes portes d'entrée du son B-Soy. Parce qu'ici, on ne parle pas seulement d'histoire musicale. On parle d'un moment où une génération a trouvé une manière de faire trembler les murs avec trois accords, une voix et surtout beaucoup d'instinct. Le morceau du jour, c'est Elvis Presley, That's Alright. Il est enregistré en 1954 au Sun Studios de Memphis. Et même si ce n'est pas le seul morceau important de cette époque, il fait partie de ceux qui ont donné l'impression que quelque chose venait de se mettre en marche pour de bon. Ce qui frappe, c'est l'impression d'évidence. Le titre ne semble pas calculé pour entrer dans une case précise. Il sonne comme quelque chose de vivant, de spontané, presque accidentel, et c'est justement ce qui le rend si fort. Pour bien comprendre ce titre, il faut revenir à Memphis au milieu des années 50. La ville est traversée par plusieurs traditions musicales qui cohabitent, parfois sans se parler, parfois en se heurtant, mais toujours en se nourrissant mutuellement. D'un côté, le blues et le rhythm and blues. De l'autre, la country, le gospel, les musiques du sud. Et quelque part au milieu, des musiciens qui cherchent une forme neuve, plus directe, plus jeune, plus explosive. C'est là que le nom de Sam Phillips devient essentiel. Au Sun Studios, il ne cherche pas seulement à enregistrer des chansons. Il cherche un son. Quelque chose qui sonne plus brut, plus libre et plus urgent. Et quand Elvis, le King, enregistre ce morceau avec Scotty Moore à la guitare et Bill Black à la contrebasse, tout s'aligne presque trop parfaitement. Et si tu n'as jamais entendu ce morceau, je te le passe tout de suite sur B-Soy. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do. That's all right. That's all right. That's all right, mama. Any way you do. Well, mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that guy you fooling with, she ain't no good to you. But that's all right. That's all right. That's all right, mama, anyway do. L'histoire est célèbre. À l'origine, Elvis enregistre le morceau de manière presque détendue, sans chercher à faire un grand coup. Mais quand le résultat sort du studio, quelque chose saute immédiatement aux oreilles. Le phrasé, l'énergie, la manière dont la voix flotte au-dessus du jeu instrumental. Tout semble déjà annoncer un langage nouveau. Ce n'est pas seulement une chanson enregistrée à Memphis, c'est un instant où Memphis devient un symbole. Un instant où le studio cesse d'être un simple lieu de prise de son pour devenir un laboratoire culturel. Et c'est exactement ce genre de moment qu'on adore raconter et vous faire découvrir sur Bisoy. Parce qu'on y entend une bascule, un avant et un après. Ce morceau a compté parce qu'il a contribué à rendre audible une nouvelle façon d'aborder la musique populaire. Il a participé à faire émerger une idée simple, mais immense. On pouvait mélanger les influences, accélérer la tension et donner à la musique une force immédiate, sans perdre son âme. Il a ouvert la voie à beaucoup de choses. Le rock'n'roll comme langage populaire mondial, le rockabilly comme croisement d'énergie et de style, et plus largement, l'idée qu'un son du Sud pouvait devenir un phénomène international. Et quand on écoute aujourd'hui That's Alright, on n'entend pas seulement une vieille chanson historique, on entend une étincelle, une des toutes premières grandes étincelles du rock moderne. Chez Bisoy, c'est exactement ce type d'histoire qu'on veut faire vivre. Les morceaux qui transportent, les scènes qui inventent, les villes qui deviennent des symboles. Parce que le rock, ce n'est pas seulement une succession de titres, c'est aussi une géographie. Memphis en fait partie. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne se lasse jamais d'y revenir. Dans le prochain épisode, on restera dans cette idée de territoire sonore, mais on changera de décor. On ira voir comment une autre ville, une autre génération ou un autre objet a, lui aussi, changé la façon d'écouter la musique. Et si tu retiens une chose de cet épisode, que ce soit celle-ci. Parfois, les grandes révolutions musicales ne commencent pas par un manifeste. Elle commence par une prise de son. A très vite pour un nouvel épisode de Dans les coulisses du son. Et en attendant, tu connais, c'est comme d'hab, sois, sens, vibre, be, feel, vibrate. Car Bisoy, c'est LE son qui bouscule les codes.